بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتي بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. دوزيام لوسون. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، فاليوم سنخوض حديث الوضوء. الحديث principal sur le wudu, c'est le hadith qui était considéré comme étant le plus authentique et qui regroupe le plus la description du wudu, de l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hormis quelques détails, mais c'est le pilier. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Ahmed ibn Ali al-mulaqab bi Ibn Hajar al-Asqalani an Humran anna Uthman radiyallahu anhu da'a bi wadu'in faghasala kaffayhi thalath marrat thumma tamadmada wastanshaqa واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوه هذا متفق عليه. Donc selon Humran, qui était le servant de Uthman, qu'il dit que Uthman a demandé wado, c'est l'eau, pour faire l'eau d'eau. Rappel, on avait dit bifat halwaw, c'est l'eau. Donc il lava trois fois ses mains. Al-kef, ça peut être la main, ça peut être la paume. Tout comme al-yad, ça peut être la main toute seule, ça peut être jusque l'avant-bras. Donc il a ses mains trois fois. Et là, c'est le mourad, c'est la main seulement, c'est pas l'avant-bras. Ensuite, la madmada, c'est le fait de mettre de l'eau dans la bouche et de la recracher. Et qu'il a inspiré de l'eau dans son nez et qu'il a ressorti. Ensuite, qu'il a lavé son visage trois fois. Ensuite, il a lavé sa main. Là, c'est l'avant-bras qui évolue. Vous voyez ? Jusqu'au coude, trois fois. Ensuite, la gauche, de la même façon. Ensuite, il essuya sa tête. Ensuite, il lava sa jambe. Et quand on dit rige, là, en fait, c'est le pied. Rige, ça peut être le pied tout seul, comme ça peut être la jambe. Un peu comme yad, tu vois. Et tout seul, c'est qadam. Il faut dire qadam. Qadam, vraiment, c'est le pied. Donc la rige, là, le sens voulu, c'est le pied. El yumna el karbein, c'est-à-dire le pied droit jusqu'aux chevilles. Trois fois, puis le gauche de la même façon. Ensuite, il dit j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire l'eau d'eau comme je viens de le faire. Et le hadith, il est muttafaqun alayh. Donc, ce hadith-là, c'est le hadith principal pour apprendre à faire l'eau d'eau. Et par la suite, il y a d'autres hadiths pour faire un tafsil détaillé. Les oreilles, les sinchaq, le mazmada, kif, masaras, kif, tout ça, ça va venir. قال مسألة غسل الكفين قبل الوضوء. Le jugement de lever, de laver à foin, les deux mains avant le dos. Donc cela est mustahab. Et ça avec ijma, avec unanimité, comme l'a rapporté Nawawi dans Sharh Muslim. Deuxième point, il dit ضابط المضمضة. Comment faire la مضمضة, ce qui est le fait d'avaler de l'eau. Donc il rapporte également la parole de An-Nawawi dans Muslim, dans son Sharh al-Muslim, où il dit que la mazmada, en fait, c'est le fait de rentrer de l'eau dans sa bouche et de la faire tourner. Tamam. Et après de la recracher. Mais le fait de la faire tourner dans la bouche n'est pas une condition. La chose importante, c'est de la mettre dans la bouche. Et l'estincher, c'est le fait de rentrer l'eau dans le nez, d'inspirer l'eau avec le nez. Tamam. Et l'istinthar, c'est le fait de la faire ressortir. Comme on l'a dit. Tamam. Et comme on l'a dit, il n'est pas conditionné de remuer l'eau dans la bouche. Il n'est pas permis de l'avaler. Quand tu fais la mazmaza. Le but, c'est de la mettre dans la bouche, de la recracher, de la sortir par la suite. Puis il dit hukm al-mazmadati wa al-istinshaq, le jugement de la mazmada al-istinshaq, que sur le sujet il y a quatre paroles des ulama. Première parole, qu'ils sont deux sunnah dans l'eau d'eau. Bref, ce sont des sunnah. Et c'est quoi la preuve de ce qui dit cela? C'est idha qumta ila salati fatawadda kama amaraka Allah. C'est un hadith hasan. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, si tu accomplis la salat, alors fais l'eau d'eau comme Allah te l'a ordonné. Et c'est quoi le verset? Ya ayyuhallazina amanu idha qumtum ila salati farsilu wujuhakum wa aydiyakum lil marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum lil ka'bayn. Donc c'est vous qui avez cru, si vous accomplissez la salat, alors lavez vos visages ainsi que vos mains jusqu'aux coudes et essuyez vos têtes et lavez vos jambes jusqu'aux chevilles. Donc là, dans le verset, la mazmada et le sinchak ne sont pas cités. Également, nous avons pris un autre hadith qui est عشر من الفطرة وذكر منها المضمضة والاستنشاق. Il dit un dixième de la fitra, de la nature première, c'est la mazmada, l'istinshaq. Ça veut dire que pour eux c'est mustahab, c'est pas wajib. Et d'autres fuqaha ont rapporté ce hadith avec un autre énoncé, un autre matn, qui est عشر من السنن, un dixième des sunnah. Et cette version-là, elle est mawquf dans la parole de Talq ibn Habib. C'est la parole d'un sahabi. Ils ont pris également un hadith qui est très faible, rapporté par le Dar-Qutni, qui dit « Al-mazmada wa al-istinshaq sunnah » que le mazmada wa al-istinshaq sont une sunnah. Mais le hadith est très faible. Donc ça, c'est le premier adhab, que c'est une sunnah. Deuxième, qui sont obligatoires. D'accord, qui sont obligatoires. Et c'est quoi leur preuve? C'est le verset. Warsilou wujuhakum. C'est-à-dire que des fois, tu vois un khilaf, des gens prennent le même style d'aile et voient les choses différentes. Parce que pour eux, ça rentre dans le visage. Troisième avis, qu'ils sont tous les deux obligatoires dans le roussel et non pas dans l'eau d'eau. Et troisième parole, que l'istinshaq est wajib lors de l'eau d'eau et dans le roussel, mais pas la mazmada. Et leur preuve, c'est quoi? C'est le hadith d'Abu Huraira fi sahihayn, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala idha tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma yunthir. Que si un d'entre vous fait l'eau d'eau, alors qu'il rentre de l'eau dans son nez et ensuite qu'il la ressorte. وفي لفظ لمسلم فلستنشق ب منخري من الماء هذاك اللي يعطيك سنارين. طيب et au final le shir donne comme parole comme étant la plus forte et celui-là, cette parole-là, le quatrième. Car les autres les adillah qui partent de l'istinshaq sont l'obligation sont que dans les ahadith de l'eau d'eau, pas du ghusl. Tamam. Que dans les ahadith du eau d'eau et pas du ghusl. Quant au verset, en réponse du verset, il y a un par rapport au hadith qui est إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. Si jamais tu accomplis la salat, alors fais l'oudou comme Allah te l'a ordonné. La réponse, elle est simple. Comme Allah te l'a ordonné. Après, le verset en soi ne suffit pas. Car Allah t'a ordonné quoi également? Comme a dit, Man yuti' al-rasul faqad ata' Allah. Celui qui obéit au messager, a certes obéi à Allah. Et il dit également, Wa ma atakum al-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le messager vous a apporté, prenez-le, et ce que vous interdit, délaissez-le. Ça, c'est une parole de Ibn Hazm. Donc il dit, le verset, Naam, on l'applique, et également, le verset, qui c'est qui nous l'a expliqué, le verset? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la sunna. Donc on obéit à Allah. Il n'y a pas de ta'arud. Taïb. Ensuite, il dit, mas'ala hukm al-istinthar. L'istinthar, c'est le fait de ressortir l'eau du nez. Et Nawawi a rapporté l'ijma, que cela n'est pas obligatoire. Et d'autres ulama ont vu que cet ijma, en fait, n'est pas réel. Et certains savants vont qu'il est obligatoire. Et c'est la parole la plus sûre, car dans le hadith, par exemple dans le hadith d'Abi Huraira, il dit, في الصحيحين إذا قام أحدكم من منامه إذا استيقظ أحدكم من منامه فلينثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت في خشومه. Si l'un d'entre vous se réveille, alors qu'il sorte l'eau de son nez, trois fois, car Shaitan dort dans son nez. Et là, falyunthir, salafan, avec l'âme et l'âme. Ça va venir, j'ai également ce destinthir, ça va venir, Inch'Allah. Donc, tu vois que le tafsil sur ce sujet-là est le même tafsil que les istinshaq. D'accord ? C'est le même adillah qui vient ensemble. Donc après, il cita le masala du rousse du wedge. Il a fait un long tafsil qu'on va passer, Inch'Allah. Car le wedge, déjà en plus, c'est beaucoup de choses basées sur la langue arabe. Tamam. Et le wedge, c'est ma'alouf, qui va du front jusqu'au menton. Tamam, ça va du front. De là où les cheveux poussent, chez un homme normal, on va dire. Parce que t'avais, par exemple, t'avais une calvitie, leurs cheveux poussent en arrière. Nous, on parle d'une personne, on va dire, de base. À partir de là où les cheveux ils poussent, hein, au haut du front, jusque au menton. Après, cita comme masala, rosl al-ainain, le fait de laver les yeux. Tamam. Et cela n'est pas obligatoire avec ijma et même cela peut nuire. Cela peut avoir des méfaits. Mettre de l'eau dans les yeux, tu vois. Rentrer l'eau dans les yeux. Non. Ça peut avoir des méfaits. Oui, le professeur Salam ne l'a pas fait. Et je crois que c'est Ibn Omar qui le faisait ou Abu Huraira. Je crois que c'est Ibn Omar qui le faisait. Allah a'lam. Dès qu'il y a un sahabi qui le faisait, j'ai oublié c'est qui, je m'en rappelle plus ce moment. Il dit ensuite Rosl, Mas'ala Rosl, Al-Yadain ou Al-Milfaqain. Le fait de laver les mains jusqu'au coude. En fait, c'est les avant-bras. Il rapporte de Nawawi et de Muqudama et autre que l'Ijma' que cela est obligatoire. Par la part d'Allah Santala, Wa Idiyakum Il-Marafiq. Et vos mains jusqu'au coude. Ensuite, il dit Mas'ala, Hel Yatrulu. Al-Mulfaqani fi wujub al-ghusl. Est-ce que les deux coudes rentrent dans l'obligation du ghusl? Parce que il est, en arabe, le harf jar il est, peut avoir un sens de jusqu'à. N'englobe pas forcément la chose. Donc là, il dit que il est, ça peut avoir le sens de ma'a. C'est-à-dire avec. Qu'a fait qu'Allah Ta'ala, ou yazidkum kuwatan ila kuwatikum, qui vous rajoute de la force à votre force, déjà présente. Là, elle a dit quoi? Ila kuwatikum. Également la parole de l'Allah Spontan là où il dit, wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Vous voyez? l'argent des orphelins. Il dit ne mangez pas leur argent avec votre argent. Et là il a dit il est à moi alaykoum. Yani ma'a à moi alaykoum. Le sens c'est ma'a. Donc il est a le sens également de ma'a, qui est un zarf makan. وقوله تعالى كما عيسى il a dit عليه السلام من انصاري الى الله تمام qui est mon secoureur avec Allah. Il y a plein de preuves. Donc là les coudes sont compris dedans. Et ça parle du jumhur, la plupart des savants. Et la masala des Ka'bayn, c'est la même chose. Est-ce que les chevilles rentrent avec les pieds ou pas? C'est le même sujet. D'accord? C'est la même chose. C'est le même tafsil. Après, il dit masala hukm, mas ala ras. Le jugement de l'essuyage de la tête. Que les ulama voient que cela est obligatoire. Et c'est unanimité. Qui fait partie des obligations de l'Odo. Et plus d'un savant ont rapporté cet ijma. C'était comme mas'ala, al-mas'h ala al-unuq. Le fait de essuyer la nuque. Quand même, ici, elle parle de Cheikh Islam dans Majmou Fatawa. Qui appelle à ne pas le faire, justement, ça. Et qu'il dit lui-même, le shir, que cela fait partie des bid'a. C'est une bid'a. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha malissa minhu fa warad. Celui qui innove dans une chose, dans notre religion, n'en faisant pas partie, cela est rejeté. Donc, se laver la nuque, l'essuie de la nuque, ne rentre pas dans l'odo. Et c'est une chose qui est ajoutée. Quand même. J'ai vraiment retiré ça parce que tu vois, le bab il est long, il a fait un long tafsil, tu vois. Un long tafsil. Il y a beaucoup de masala qu'on a sauté. Déjà parce qu'il faut. Elles sont beaucoup profitables en langue arabe. Et il y a beaucoup de nukulat de ulama. Et souvent ce sont des choses surtout, c'est pour être bien minutieux, mais en réalité des choses connues. Des choses connues, par exemple, est-ce que les sourcils rentrent dedans? Est-ce que les poils entre les yeux rentrent dedans? Tu vois, plein de choses comme ça que les gens généralement, tu vois. Là c'est juste un. Quand une personne a fait le tahqiq dans une masala, tu vois, elle est minutieuse. Mais ça, généralement, c'est une chose que les gens, ils ont acquis. Tu vois, ils ont acquis. Maintenant, tu leur demanderais, ils ne pourraient pas te répondre. Hormis s'ils étudient. Mais à la base, les gens le font. C'est une chose que les gens le font. Et également, il y avait le khilaf par rapport à la tête. Est-ce que c'est toute la tête ou une partie de la tête? Tout ça. Tout ça, on l'a passé. Donc après, il dit masala, aziyaratu. على ثلاث غسلات للعضو الواحد. Le fait de laver plus de trois fois un membre. Tamam. Donc il dit qu'il hafiz dans le fath. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il n'est pas permis de rajouter plus de trois fois. Tamam. Que cela n'est pas permis. Et le shir dit. Cette parole est la vraie. Les colis de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui a fait plus de trois fois a mal agi et a dépassé les limites et a été injuste. Et également le hadith qui est celui qui fait une chose ne faisant pas partie de notre religion, cela est rejeté. Donc le Nabi Salam nous a appris comment faire le dos et le nombre de fois à le faire. Après, si tu as plus loin, lors du matin à la suite, Mas'ala ma hukm wudu'ihi iza zada ala thalath. C'est quoi le jugement de son wudu s'il fait plus de trois fois? Et en réalité, son odo, il est valable, juste qu'il a commis un péché. Car l'odo, il a été fait, il a été accompli. Quand même, il a été accompli. après Mas'ala, al-iqtisar à la marra fil ghusl al-aghdha. Le fait de se contenter de ne faire qu'une seule fois. Chaque membre. Donc, les rapports nous parlent de Nawawi qui dit que il y a ijma des ulama que l'obligation c'est une fois. Même l'obligation c'est une fois. Et il fut rapporté un hadith de Ibn Abbas, dans Sahih al-Bukhari, qui dit Tawadda al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, marra, marra. Une fois, une fois. Et c'était rapporté de Othman, deux fois aussi, il me semble. Mais l'ijma rapporté par Nawawi a été justement également remis en question. Sans ce que chez l'imam Nawawi sur l'ijma'at, il faut souvent revoir. C'est souvent à revoir. Il y a un ijma, c'est dur d'être un ijma. En réalité, c'est dur. De confirmer un ijma, c'est dur. C'est pour ça le meilleur, comme dit l'imam Mohamed, t'akoul, ma'lam ahadan khalaf, mathalan. Je n'ai connu personne, tu vois, si on peut opposer à cela. C'est plus. Parce que quand tu dis ijma, se trouve, tu sais pas, il y a un savant, il n'a pas vu pareil que toi. Et tu ne l'as pas connu. Alors quand tu dis ma'lam tu ahadan, ça veut dire chercher, j'ai vu personne. C'est déjà akrab. Quand ça, c'est demain quelqu'un, il dit, s'il y a un tel, tu dis, ah, je ne savais pas. Mais demain, tu dis ijma, c'est-à-dire, tu as fait une chose, alors que tu n'as pas tous les moyens de tout savoir. On dit, l'ijma est considéré, tu vois, mais c'est dur. Tu vois, c'est dur d'attribuer un. Ça, c'est une masala dans Fou de Fier qu'on va le prendre. L'ijma, quand est-ce qu'il a confirmé, quand est-ce qu'il ne l'est pas, quels sont les gens de l'époque, et ainsi de suite. L'ijma, il existe, mais c'est vrai que c'est dur de confirmer. Il faut avoir vraiment des tirah, avoir beaucoup de lectures, connaître beaucoup les savants. Revenir vraiment à ce qu'ils disent. Donc on a dit, ouais, le fait de faire une fois, deux fois, deux fois, trois fois, trois fois. Naam, c'est permis. Bien que le akmel, c'est salat. Salat, salat, salat. Ensuite, il dit, mas'ala, il est rassala ba'd arza'ihi marra, wa ba'daha marratayn, akada. Si jamais il lave un membre une fois, par exemple, et l'autre deux fois. C'est quoi le jugement? Il rapporte une parole de Bukudama dans le Mourni qui dit que si jamais il lave certains de ses membres une fois et d'autres plus, cela est permis. D'accord, cela est permis. Et il fait rapporter justement un hadith de Abdullah ibn Zayd, à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tawadda wa faghassala wajhahu thalathan wa ghassala yadayhi maratayn wa massaha bi ra'sihi mara wahida. Muttafaqun alayhi. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait lavé son visage trois fois, ses mains deux fois et sa tête une fois. Mais la tête c'est une fois de toute façon. Ça va venir. Le sujet sur la tête, c'est une seule fois. Ensuite, non, c'est l'acte bien là, en fait. Les autres masahil, tu vois, ils sont. Un est celui qui est l'arabe qui revient au livre directement, mais là, comme on a dit, on veut faire un truc résumé, simple, facile à appliquer et facile à retenir. Mais en réalité, il y avait beaucoup de masahil. Il y avait combien de masahil, je vais te dire exactement. Nous avons cité, peut-être on a cité même pas une dizaine. 28. Masa'il. 28 sujets la cité. 28 questions. Sans compter après, Al-Masal Al-Mulhaqa, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc en tout, 32. C'est des sujets attachés qui ne correspondent pas forcément au hadith, mais qui sont en concordance. En tout, 32. Pour l'ozo. فهمتها طيب فضلنا نكتفي بهذا ولكل الحمد لله رب العالمين